ils s'aimeront toujours. Au moment que je parle, ah, mortelle pensée, ils bravent la fureur d'une amante insensée. Malgré ce même exil qui va les écarter, ils font mine serment de ne se point quitter. Non, je ne puis souffrir un bonheur qui m'outrage, Œnone. Prends pitié de ma jalouse rage. Il faut perdre Aricie. Il faut de mon époux, contre un sang odieux, réveiller le courroux. Qu'il ne se borne pas à des peines légères. Le crime de la sœur passe celui des frères. Dans mes jaloux transports, je le veux implorer. Que fais-je? Où ma raison se va-t-elle égarer? Moi, jalouse? Et Thésée, celui que j'implore? Mon époux est vivant, et moi je brûle encore. Pour qui? Quel est le cœur où prétendent mes vœux? Chaque mot sur mon front fait dresser mes cheveux. Mes crimes désormais ont comblé la mesure. Je respire à la fois l'inceste et l'imposture. Mes homicides mains, promptes à me venger, dans le sang innocent brûlent de se plonger, misérable. Et je vis, et je soutiens la vue de ce sacré soleil dont je suis descendu. J'ai pour aïeul le Père et le Maître des dieux. Le ciel, tout l'univers, est plein de mes aïeux. Où me cacher? Fuyons dans la nuit infernale. Mais, que dis-je, mon père y tient l'urne fatale. Le sort, dit-on, l'a mise en ses sévères mains. Minos juge aux enfers tous les pâles humains. À combien frémira son ombre épouvantée lorsqu'il verra sa fille, à ses yeux, présentée, contrainte d'avouer tant de forfaits divers et des crimes peut-être inconnus aux enfers. Que diras-tu, mon père, à ce spectacle horrible? Je crois voir de ta main tomber l'urne terrible. Je crois te voir, cherchant un supplice nouveau, toi-même de ton sang, devenir le bourreau. Pardonne. Un dieu cruel a perdu ta famille. Reconnais sa vengeance aux fureurs de ta fille. Hélas, du crime affreux dont la honte me suit, jamais mon triste cœur n'a recueilli le fruit. Jusqu'au dernier soupir, de malheur poursuivi, je rends dans les tourments une pénible vie.